Chapitre 10e. Persécution. Le lendemain matin, Madame Harel vint pour savoir le résultat de ses réflexions. Cécile, avec cette prévenance gracieuse qui accompagnait tous ses bienfaits, l'assura que les 1000 livres qu'elle désirait lui seraient accordées, pourvu qu'elle consentît à chercher une retraite paisible et à les recevoir à différentes époques et en petites parties de 50 ou 100 livres à la fois, qui lui seraient soigneusement remises et qui, n'étant délivrées qu'à elle, lui assurerait un meilleur traitement de la part de M. Harel et serait un motif de plus pour qu'il lui rendît sa première affection. Madame Harel courut promptement et très satisfaite communiquer cette proposition à son mari. Mais elle revint bientôt, l'air abattu, lui dire que M. Harel avait protesté qu'il lui était impossible de partir avant d'avoir touché cette somme. « Pour cet effet, dit-elle, j'irai moi-même après déjeuner chez mon frère, car je m'aperçois bien qu'inhumain comme il l'est devenu à mon égard, il ne viendra pas me chercher, et si je ne réussis pas auprès de lui, je ne crois pas que je revienne jamais. » Cécile, piquée, trompée dans son attente, lui répondit « J'en suis fâchée pour M. Arnott. Quant à moi, j'ai fait tout ce que je pouvais. » Madame Harel la quitta, et Cécile alla se préparer pour son départ. Elle envoyait d'avance ses livres, ses malles et tout ce qui lui appartenait. M. Harel, apprenant que Cécile se disposait à sortir de chez lui, fut accablé. S'étant un peu remis, il lui dit avec amertume « Eh bien, miss, puis-je vous supplier de rester encore ici jusqu'à ce soir ?»« Non, monsieur, » répondit-elle froidement, « je vais partir à l'instant. »« Et ne voulez-vous pas, » dit-il encore avec plus d'aigreur, « vous procurez auparavant le plaisir de voir les sergents s'emparer de ma maison, et votre ami Prissy me suivre en prison ?»« Bon Dieu, monsieur, » s'écria Cécile, « pouvez-vous me faire une pareille question ? Est-ce là le traitement que j'ai mérité ?»« Oh non !» s'écria-t-il avec vivacité, « si je pensais ainsi. » Se levant ensuite et se frappant le front, il se mit à marcher avec beaucoup d'agitation. Madame Harel se leva aussi et se retira en pleurant amèrement. « Voulez-vous du moins consentir, » dit Cécile après qu'elle fut partie, « à laisser Prissy avec moi, jusqu'à ce que vos affaires soient arrangées ? Lorsque j'irai habiter ma propre maison, elle m'y suivra. Et en attendant, je suis sûr que celle de M. Arnott lui sera toujours ouverte. « Non, non, » répondit-il. Elle est indigne d'une pareille indulgence. Elle n'a nulle raison de se plaindre. Elle a été tout aussi négligente, aussi prodigue et aussi mauvaise ménagère que moi. Elle ne s'est embarrassée ni de son mari, ni de ses affaires, et actuellement elle ne s'afflige que de la perte de cette opulence qu'elle-même a tant accélérée. Toutes les récriminations, repartit Cécile, sont inutiles. Combien d'autres reproches, Madame Harel, ne pourrait-elle pas vous faire à son tour ? Mais ne nous appesantissons pas davantage sur ce triste sujet. Le parti le plus prudent et le plus convenable sera actuellement de chercher par la douceur à vous consoler l'un et l'autre. « Consolation et douceur !» s'écria-t-il brusquement. « Ne sont plus de saison. J'ai donné ordre qu'une chaise de poste se trouvât ce soir devant ma porte. Et si vous consentez à rester jusqu'alors, je vous laisserai libre, sans rien exiger de plus. Puissé-je être damné, plutôt que de vivre assez longtemps pour voir la scène que votre départ ne saurait manquer d'occasionner ?»« Mon départ ?» s'écria Cécile, toute tremblante. « Bon Dieu, et comment mon départ pourrait-il avoir des suites aussi funestes ?»« Ne me le demandez pas, » repartit-il fièrement. « Exigez de moi des réponses ou des raisons à présent. La crise approche, il arrive ce qui pourra. Tout vous sera bientôt dévoilé. En attendant, ce que je vous ai dit est sûr et immuable. Il faut ou précipiter ma fin, ou me fournir les moyens de l'éviter. Tout comme vous jugerez à propos. Votre décision m'est assez indifférente. « Rappelez-vous cependant, l'unique grâce que j'exige de vous, c'est que vous différiez votre départ. Tout ce qui me reste d'ailleurs à espérer doit me venir de M. Arnott. » En finissant ces derniers mots, il sortit de l'appartement. Cécile reprit alors toute sa faiblesse. En vain appela-t-elle à son secours les conseils, les prédictions, les préceptes de M. Monckton. En vain se ressouvint-elle des artifices qu'elle avait déjà vus employer. Ni les avertissements de son guide, ni sa propre expérience, ne furent capables de dissiper la terreur que des menaces aussi redoutables lui inspiraient. Et quoiqu'elle prît plusieurs fois le parti de fuir à tout événement et de se dérober à une tyrannie qu'il avait si peu de droit de s'arroger, le souvenir seul de ses terribles paroles, « Puissais-je être damné plutôt que de vivre assez longtemps ?» lui ôtait tout le courage qu'il restait. Quoiqu'elle fût préparée de longue main à cet assaut, lorsque le moment arriva, il lui fut impossible de le soutenir. Pendant qu'elle était dans cette perplexité, elle reçut une lettre de M. Arnott, qui apprenait que, pour suivre ses conseils, il avait quitté Londres, jusqu'à ce que le sort de M. Harel fût décidé. Au plus fort de ses craintes, pour elle-même et pour ses intérêts, Cécile ne put s'empêcher d'apprendre avec plaisir que M. Arnott se fût du moins dérobé à la fureur de l'orage qui la menaçait, quoique certaine qu'il n'en serait que plus terrible pour elle, et qu'elle redoutât la vue de Mme Harel après qu'elle aurait été instruite de sa fuite. Son attente ne fut que trop promptement remplie. Peu de temps après, Mme Harel entra à pas précipité et d'un air égaré en s'écriant « Mon frère s'en est allé. Il m'a quitté pour toujours. Oh, sauvez-moi, Miss Beverley. Sauvez-moi des affronts et des menaces. » Elle versa tant de larmes qu'il ne lui fut plus possible de prononcer un seul mot. Cécile, tourmentée à l'excès de ses persécutions, lui demanda tristement ce qu'elle pouvait faire pour elle. « Envoyez, s'écria-t-elle, chez mon frère, et priez-le de ne pas m'abandonner. Envoyez chez lui, et conjurez-le de m'avancer ses 1000 livres. La chaise est déjà ordonnée. » M. Harel est décidé à partir. Il dit que sans cet argent, nous mourrons de faim dans un pays étranger. « Oh, envoyez chez mon barbare frère. Il a défendu qu'on ne lui fait rien parvenir de ce qui viendrait de toutes parts que de la vôtre. » Cécile, quoique très touchée et presque attendrie, refusa cependant de faire aucune démarche auprès de M. Arnott et crut qu'elle devait avouer que c'était elle qui lui avait conseillé de s'éloigner. « Avez-vous pu être assez cruel ?» s'écria Mme Harel avec encore plus de violence. « Pour m'enlever le seul ami qui me restait, pour me priver de l'affection et des attentions d'un frère, précisément au moment où je suis forcé à quitter le royaume avec un mari prêt à m'ôter la vie et qui assure ne pouvoir plus souffrir ma vue. Et cela uniquement parce que je ne saurais lui procurer l'argent dont il a besoin. Oh, Miss Beverley, aurais-je jamais dû m'attendre à un pareil procédé de votre part ?» Cécile allait se justifier lorsqu'un domestique vint avertir Mme Harel que son mari voulait sur le champ lui parler. Celle-ci, plus effrayée, reprocha à Cécile sa dureté, l'absence de son frère, les mauvais traitements dont elle allait être la victime, la toucha par ses larmes et elle lui promit d'envoyer chercher son frère et de faire tout ce qu'elle voudrait. Mais lorsqu'elle se disposait à écrire, l'idée qu'il y aurait de la trahison à l'arracher à une retraite qu'elle lui avait elle-même conseillée, à l'exposer volontairement à des supplications desquelles, s'il y prêtait l'oreille, il pourrait s'en suivre sa ruine totale, elle ne put se résoudre à le rappeler. « Quoi, vous pourriez, Miss Beverley, avoir la cruauté de vous rétracter ? Non, ma pauvre Prissy, » répondit Cécile, « je ne saurais vous manquer aussi cruellement, mais personne que moi ne sera victime de ma pitié. Je ne veux point envoyer chercher M. Arnott, ce sera moi qui vous donnerai cet argent. Puisse-t-il servir à l'usage pour lequel je le donne, vous rendre l'affection de votre mari et votre première tranquillité ?» Celle-ci, prenant à peine le temps de la remercier, courut porter cette nouvelle à M. Harel, qui dit simplement qu'il en était bien aise, et court lui-même chercher le juif qui devait prêter cet argent. Tout fut bientôt arrangé. Cécile n'eut pas le temps de se rétracter, et il n'y eut pas assez de délicatesse pour s'embarrasser si elle s'en repentait ou non. Elle s'obligea donc encore de rembourser, 10 jours après sa majorité, le principal et les intérêts de cette nouvelle somme. La douce satisfaction attachée au bienfait ne fut point la récompense de cette générosité, et ne répara point chez Cécile la brèche qu'elle venait de faire à sa fortune. Le chagrin et l'inquiétude, et le regret et le ressentiment accompagnèrent ce présent et s'emparèrent de son esprit. Elle était persuadée que M. Monckton, ignorant les persécutions auxquelles elle avait été exposée, la blâmerait, qu'il n'aurait aucune indulgence pour les menaces qu'on avait employées ou pour les sollicitations auxquelles elle n'avait pu résister. L'inquiétude de Cécile augmentait par la réflexion, car lorsque les droits des créanciers de M. Harel, ainsi que les torts qu'ils avaient soufferts, vinrent se présenter à son esprit, elle se demanda elle-même à quel titre ou de quel droit elle l'avait si libéralement mis en état, en éludant leurs prétentions, de se soustraire à la peine que la loi prononçait contre lui. Étonnée par cette réflexion, elle se reprocha sévèrement une complaisance dont elle n'avait pas assez prévu les conséquences, et pensa, avec le plus vif chagrin, que tandis qu'elle se flattait de n'avoir cédé qu'à la pitié et à l'humanité, on l'accuserait peut-être de s'être rendue complice de la fraude et de l'injustice. À dîner, M. Harel fut très poli et de fort bonne humeur. Il remercia vivement Cécile du service qu'elle lui avait rendu et ajouta gaiement « Tous les péchés que vous pourriez commettre pendant une année ne sauraient manquer de vous être pardonnés en considération de la bonne œuvre que vous venez de faire. » Il la prit ensuite de vouloir bien ne pas les quitter jusqu'au moment de leur départ. Cécile passa ce temps avec Mme Harel en l'exhortant à montrer du courage et surtout avoir plus d'économie lorsqu'elle serait chez l'étranger. Après le thé, M. Harel, toujours de très bonne humeur, sortit, priant Cécile de rester avec sa femme jusqu'à son retour et promit de ne pas tarder à revenir. Il ne parut pas le reste de la journée. À 11 heures, Cécile voulait se rendre chez Mme Delville et demander une voiture lorsque M. Harel entra et leur proposa, d'un air troublé, d'aller au Vauxhall. « Au Vauxhall ?» répéta Mme Harel, tandis que Cécile, pétrifiée, observa sur son visage des signes de désespoir dont elle fut extrêmement alarmée. « Avez-vous donc renoncé au projet de quitter le royaume ?» dit Mme Harel. « Non, non. D'où pourrions-nous partir aussi commodément que du Vauxhall ?»« Jouissons tandis que nous vivons. J'ai ordonné que la chaise de poste m'y attendît. Allons. » « Auparavant, dit Cécile, permettez-moi de prendre congé de madame et de vous. »« Ne viendrez-vous pas avec moi ?» s'écria Mme Harel. « Comment puis-je aller seule au Vauxhall ? » répondit-elle. « Mais si j'allais, comment reviendrai-je ? » « Elle reviendra avec vous, » répartit M. Harel, « pour peu que cela vous fasse plaisir. Vous reviendrez ensemble. » Mme Harel, enchantée, s'écria. « Oh, Monsieur Harel, est-il bien vrai que vous consentiez à me laisser en Angleterre ?»« Oui, » répondit-il d'un ton de reproche, « pourvu que vous vous acquittiez mieux des devoirs d'amis, que vous ne vous êtes acquitté de ceux d'épouse, et que Miss Beverley consente à se charger de vous. » « Qu'est-ce que tout cela signifie ? » s'écria Cécile. « Serait-il possible que vous parlassiez sérieusement ? Comptez-vous réellement partir et permettez-vous que Mme Harel reste ? » ?»« Je partirai, et elle restera. » Mme Harel était si satisfaite que la joie lui permettait à peine de respirer. Cécile, de son côté, ne pouvait revenir de son étonnement. M. Harel, pendant ce temps, se promenait en silence dans l'appartement, sans faire attention ni à l'une ni à l'autre de ces dames. « Mais comment ? » dit enfin Cécile, « serait-il possible que j'allasse avec vous ?»« Madame Delville doit déjà être surprise que je tarde si longtemps. Et si je lui manque encore ce soir, elle ne voudra peut-être plus me recevoir. Oh, ne faites aucune difficulté !» s'écria Madame Harel extrêmement émue. « Si M. Harel veut me laisser en Angleterre, vous ne serez sûrement pas assez cruel pour vous y opposer. »« Mais pourquoi ?» repartit Cécile, « pensez aller au Vauxhall. » Je ne sache pas au monde d'endroit moins convenable que celui-là pour une aussi triste séparation. « Allons, qu'attendons-nous ? » dit M. Harel. « Si nous ne partons pas sur le champ, peut-être nous en empêchera-t-on. » Cécile voulut encore les quitter. Mme Harel, au désespoir de son refus, la conjura de la manière la plus pressante de ne pas l'abandonner et de la sauver de l'exil et de la misère. « Allons, » s'écria M. Harel avec emportement. « Je ne veux pas attendre une seule minute de plus. » « Laissez-la donc avec moi, » dit Cécile, « je m'acquitterai de ma promesse. »« Celle de M. Arnott, j'ose en répondre, est sacrée aussi. Elle ira en ce moment chez lui. Et dans la suite, elle viendra habiter avec moi. Laissez-la seulement en Angleterre et comptez sur nos soins. »« Non, non, » répliqua-t-il, « je dois en prendre soin moi-même. Je ne l'emmènerai point. Le seul présent que je puisse lui laisser est une leçon dont j'espère qu'elle se souviendra toute sa vie. » Pour vous, vous pouvez fort bien vous dispenser de nous accompagner. Quoi ? S'écria Mme Harel. Me laisser au Vauxhall et m'y laisser seul ? Qu'importe ! Lui répondit-il en fureur. Ne souhaitez-vous pas que je vous laisse ? Avez-vous la moindre affection pour moi ou pour qui que ce soit au monde ? Vous êtes-vous jamais occupé que de vous-même ? Cessez donc ces vaines clameurs et venez à l'instant, sans délai, je l'exige. Déclarant alors avec serment qu'il ne se laisserait pas retenir plus longtemps, il s'approcha, très irrité, pour saisir Mme Harel, qui poussa un cri. Cécile, épouvantée, s'adressant à lui. « Si vous devez, dit-elle, vous quitter cette nuit, ne vous séparez pas d'une manière aussi cruelle. Levez-vous, Mme Harel, et cédez. Raccommodez-vous avec elle, traitez-la avec douceur, M. Harel. Je consens à l'accompagner, nous irons tous ensemble. »« Et pourquoi ? » s'écria M. Harel un peu moins durement, quoique très ému. « Pourquoi viendriez-vous ? Vous n'avez nul besoin de leçons. À quoi bon vous exposer ? Vous feriez beaucoup mieux de nous fuir, et lorsque je serai parti, ma femme pourra vous retrouver. » Mme Harel ne voulut point absolument que Cécile se séparât d'elle. On garda un profond silence pendant le chemin. Mme Harel pleurait, son mari ne disait rien, et Cécile était remplie de soupçons inquiétants et agitée de crainte et d'impatience.